la dégoûtée de ce monde. Sous la lampe, un dernier songe. J'entends ta voix, malgré tout ça, et tes mots, respecter l'autre. 'Cause in all the worlds I've come upon, I never saw another one that sparkled like your diamond in the sun. La chambre même est sans pitié, le paradis tombe à mes pieds. Pourtant, we know, ta voix dit jamais.